désolée mais je ne peux plus t'assumer. C'est tous tes problèmes qui nous ont tués. Trop souvent tu m'as promis la lune mais j'ai vu nos espoirs partir en fumée. Ça m'a fait du mal de te voir enfermée. Tous ces allers-retours que je n'ai pas comptés. T'étais là-bas, moi je t'attendais. Et tu n'étais pas là pour me rassurer. Mon défaut, oui bébé mon défaut. Mon défaut c'est sûrement que je t'aimais trop. Tu ne m'as jamais tiré vers le haut. J'étais plus que pas sans toi, dis-moi si c'est faux bébé. Car dans tout ça t'as pensé qu'à toi. M'en veux pas d'avoir pensé à moi et de m'éloigner de toi. J'ai prié, prié, prié pour que tu changes. Je ne sais plus qui tu es. Prié, prié, prié pour que tu changes. Je ne sais plus qui tu es. Dis pourquoi tu fais ça. Ah, ah. Dis-moi pourquoi t'es comme ça. Ah, ah. Pourquoi tu fais ça. Ah, ah. Dis-moi pourquoi t'es comme ça. Désolée mais je ne mérite pas tout ça. Toutes ces années j'ai mis de côté, j'ai pris sur moi. Toi tu veux une femme, moi je veux un homme, moi. Un homme après celui qui prendra soin de moi. Pour toi les yeux fermés j'ai avancé. Aucun effort pour me remercier. Si j'avais su ce qui m'attendait, mon Dieu je ne me serais jamais lancé. Ton défaut, oui bébé ton défaut. Ton défaut c'est que tu m'en demandes trop. Et si c'est la vie que t'as choisie, pourquoi devrait-elle devenir la mienne aussi? Car dans tout ça t'as pensé qu'à toi. M'en veux pas d'avoir pensé à moi et de m'éloigner de toi. J'ai prié, prié, prié pour que tu changes. Je ne sais plus qui tu es. Prié, prié, prié pour que tu changes. Je ne sais plus qui tu es. Dis pourquoi tu fais ça. Ah, ah. Dis-moi pourquoi t'es comme ça. Pourquoi tu fais ça, ah, ah. Dis-moi pourquoi t'es comme ça. J'ai grandi, grandi, grandi, grandi. Je ne veux pas la vie de Clyde et Bonnie. Bonnie, Bonnie, Bonnie, Bonnie. Tu n'as pas su faire ce que tu m'as promis. J'ai grandi, grandi, grandi, grandi. Je ne veux pas la vie de Clyde et Bonnie. Bonnie, Bonnie, Bonnie, Bonnie. Tu n'as pas su faire ce que tu m'as promis. J'ai prié, prié